بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. Au nom de Dieu, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, par la clarté matinale et par la nuit quand elle couvre tout, ton Seigneur ne t'a ni abandonné ni haï. La vie dernière sera meilleure pour toi que la vie présente. Ton Seigneur te donnera et tu seras satisfait. Ne t'a-t-il pas accueilli alors que tu étais orphelin? Ne t'a-t-il pas guidé alors que tu étais égaré? Ne t'a-t-il pas enrichi alors que tu étais pauvre? Alors, n'opprime point l'orphelin et ne repousse pas le mendiant. Et quant au bienfait de ton Seigneur, proclame-le hautement.